le soir. Quand dans ton âme il faisait trop noir, quand sur ton oreiller tu pouvais pas rêver d'ailleurs, bien trop seul au fond de ton cœur. On regardait des mots froissés, ce que j'écrivais pour me cacher, perdu dans la nuit autour. Tu restais jusqu'au jour, ta pudeur posée sur la douceur du fond de ton cœur. La lumière de mes nuits, dans tous ces soirs-là, bien sûr je faisais comme si je t'attendais pas. Viva de dai, vedai, badum, vedadidei. Viva de dai, vedai, badum, vedadidei. Badum, vedadididei, badum, vedavedei. Vedadai, vedadididei, badum, vedavedei. Ces soirs-là, bien sûr, je faisais comme si je t'attendais pas. Tu m'as laissé un mot froissé, que t'as posé sur mon oreiller. Depuis, dans mes nuits cachées, j'écris des mélodies mouillées pour moi seul, encore une fois seul, au fond de mon cœur. Tu venais me voir après le soir,